Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. L'orage est passé, j'ai dansé sous la pluie. petit rien. Vérité fait mal, mais moins que le mensonge. Et bien souvent, ce sont les soucis qui nous rendent. Alors je dis, il y a des gens qu'on connaît peu et d'autres qu'on croit connaître. Parfois on se sent mieux en fermant la fenêtre. Il y a des gens qu'on connaît peu et d'autres. Accorde ta guitare, branche le jack et viens. C'est bien fait. Thank you.

Thank you. la religion détient le pouvoir. Depuis la nuit des temps,